avec toi, pourquoi pas, pourquoi pas. Lire ta vie des mois, pourquoi pas, pourquoi pas. La chaleur n'est pas loin, juste un chemin noir sur papier blanc. Respirer en toi, pourquoi pas, pourquoi pas. Te construire un toit, pourquoi pas, pourquoi pas. La chaleur n'est pas loin, juste un chemin noir sur papier blanc. Fantasmer de toi, pourquoi pas, pourquoi pas. Vibrer en toi, pourquoi pas, pourquoi pas. La chaleur n'est pas loin, juste un chemin noir sur papier blanc. Juste un chemin noir sur papier blanc.